En Corée du Sud, selon Yonhap News, le Rassemblement des avocats pour une société démocratique a envoyé le 12 une pétition au Comité des droits de l'homme pour ainsi critiquer les autorités qui détiennent les citoyennes du Nord enlevées collectivement.